Si vous voulez ne pas passer à Windows 10 pour pouvoir toujours lire les DVD, vous pouvez rester sous Windows 7 avec une application qui permet de ne pas passer à Windows 10.